Bonjour, petit live de la grâce. Il n'y a personne. Bon. Un petit live improvisé de l'action de grâce. Il n'y aura possiblement pas grand monde. Vous connaissez les origines de l'action de grâce? Les puritains. Les puritains anglais qui sont arrivés au Massachusetts. Vous savez, les chapeaux de sorcière là, noirs avec des boucles, là, c'est les puritains, ça. Ben oui, parce que dès que des gens ont des bonnes idées, l'astral embarque, puis là, les gens se mettent à paranoïer, puis ils voient le diable partout. Ah, il y en a un qui vient de s'en aller. Ah, il y en a un autre qui vient de s'en aller. Hey, je vais pas faire mon action de grâce tout seul. Donc, ils sont revenus. Peut-être que c'est le programme là, qui me donne des mauvaises. Peut-être que, bon, il y en a qui embarquent, qui débarquent. Donc, oui, c'est ça. Les puritains, l'action de grâce. Les puritains qui avaient de nobles intentions, ils ont vite été rattrapés par l'astral. Ça a donné ce que ça a donné. Les États-Unis, comme vous le savez, ont été fondés par des sectes de protestants. Il y en a eu toujours de toutes les sortes, comme les Quaker. Vous connaissez le gruau Quaker? C'était des végétariens, les Quaker, mais il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est que ces gens-là faisaient vœu de chasteté, ils ne se reproduisaient pas. Ils n'avaient pas de boutons après leurs habits et ils n'apportaient pas de souliers parce qu'ils étaient contre l'idée de prendre du cuir et d'avoir des boutons de corne. Parce que c'était des gens qui étaient très sensibles aux animaux, les Quaker. Un autre secte moins connu, c'est les Shakers. Ça, c'est un peu des gens qui faisaient, par l'imposition des mains, là, qui faisaient des traitements. Puis, ils refoulaient leur libido, les Shakers, et ils tombaient dans des états seconds, des trans. Puis là, ils recevaient des messages. Oui, l'Amérique est un pays de sectes. Il y en a tout le temps eu. Vous avez les Amish, mais ça, c'est d'origine allemande. Mais au Canada, on a les Mennonites, qui sont aussi, je crois, d'origine allemande, à la base. Donc, mais il y a beaucoup de Québécois d'origine allemande, ils ne le savent pas, comme les Houdes. Les Houdes sont d'origine allemande, comme l'acteur Germain Houde. Houde. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non? Parce que l'action de grâce, on a vite fait le tour. Puis je ne vais pas parler. Ah, bonsoir. Oui, l'action de grâce. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces temps-ci aussi? Ben, franchement, j'ai absolument rien qui... Mais oui, l'action de grâce, les puritains. Mais les puritains, à mes yeux, sont un bon exemple de comment l'astral peut détruire que des gens qui ont de bonnes intentions, qui ont de bonnes idées, qui ont... Mais ça embarque tout le temps. Ça finit tout le temps par embarquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communautés que c'était très sain à la base, au sens où c'était très logique, c'était très bien. Et puis finalement, il a commencé à s'installer de la paranoïa, des chicaneries. Ah, c'est souvent comme ça, malheureusement. Il n'y a absolument personne qui a rien à dire, parce que je ne vais pas parler, je ne pensais pas faire un live bien longtemps, là, mais si en plus il faut que je monologue tout au long. Il y a des... Oui, bonsoir. En Reims. Il y a une belle cathédrale chez vous que je ne pourrai jamais visiter. Tantôt, je discutais avec quelqu'un, puis je disais, oh, je pense pas que j'aurai la joie de quitter le continent un jour. Je n'en aurai pas le droit de toute façon. Il y a toutes sortes de façons de voyager. Non, il y a beaucoup de lieux dans le monde que je ne visiterai pas, mais j'ai l'impression de les avoir déjà visités d'une certaine façon. Donc, c'est arrivé dans ma vie que finalement, j'ai vu quelque chose et finalement, c'était exactement comme je le pensais, exactement. Et puis, je trouvais ça très ordinaire, puis je me demandais ce que je faisais là. Vous savez, là, les inconvénients du voyage, c'est comme quand j'ai vu la tour du CN pour la première fois, j'ai dit « Ah, ben, c'est comme je pensais », puis j'ai trouvé ça très inintéressant, puis je suis allé manger un Taco Bell. Ce que j'aimais le plus de Toronto, comme d'habitude, c'est le quartier chinois. J'ai trouvé un bon restaurant où il y avait de la soupe aux ailerons de requin. Je vais peut-être perdre des abonnés en disant ça. Mais oui, je suis amateur de certaines choses qui peuvent être mal vues. Comme tout le monde, on a tous nos petits vices. Mais la soupe aux ailerons de requin, c'est réellement très, très bon. En tout cas, c'est sûr que bon, c'est discutable, mais ça fait longtemps de ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet? J'ai écouté aujourd'hui, j'ai pas écouté grand-chose, j'ai écouté Monsieur Pitre au studio, son studio. Puis, bon, il recevait une dame qui, elle, nous citait un chercheur qui parlait qu'il y aura en ce moment un effort de la part de certaines instances pour calcifier les centres de réception des gens dans leur cerveau. Eh bien, pourquoi pas? Différence entre un moment de grâce, telle une action de grâce. C'est quoi un mimant entre un mimant de grâce? Non, ben, une grâce, ça veut dire c'est quelque chose qui vient du Très-Haut. Si on traduit ça là, dans un langage plus actuel, c'est tout ce qui serait de haute fréquence et qui viendrait de l'intelligence au-dessus des hommes, des humains. Quand je dis les hommes, là, c'est les femmes aussi. Hein, parce que c'est des fois, j'ai peut-être un langage un peu à l'ancienne, puis ça peut porter à confusion. Mais une grâce, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'ego, qui vient de plus haut. Tout simplement, ça passe par l'homme. Et puis, entre un moment de grâce et une action de grâce. L'action de grâce, c'est de rendre grâce, c'est-à-dire dire merci. Dire merci aux forces. Mais les forces, si vous êtes reconnaissant, elles le voient. C'est donc un peu facultatif, je pense, de rendre grâce de certaines façons. Mais d'un autre côté, ça peut être au niveau de l'exemple, possiblement. Parce qu'une communauté, bien. Ça se perpétue, il y a des gens de tous âges. Bonsoir, Sylvie. Sylve. Ah, je voyais Sylvie. Donc, à part ça, bonsoir, Eugénie. De la lampe, c'est un beau nom. De la lampe. Eugénie de la lampe. Ah bon, j'ai des djinns qui viennent. Vous connaissez les. Chez les Mahométans, les djinns qui seraient des êtres faits d'un feu sans fusée qui vivent entre les plans. Eh bien, jusqu'à un certain point, il y a une certaine intuition là-dedans. Donc, ah bon, mais oui, mais oui, il y a une certaine intuition là-dedans. Je ne suis pas un djinn, eh bien, moi non plus, mais quand ça ai-je au fond? Mais on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y en a qui, il y en a qui me pensent peut-être démoniaque, c'est des fortes possibilités. J'ai vu que dans mes statistiques, il y a des gens qui m'écoutent, qui écoutent aussi Pierre Blanchette. Lui, il doit me considérer comme moi. Il doit penser que je suis satanique. Mais vous savez, le diable, c'est un peu tout vu que c'est lié à, si on peut dire, diabolos, c'est un peu. Principe de division, c'est souvent lié à tout ce qu'on rejette, va devenir diabolique, tout ce que vous rejetez, au fond. Ça, c'est si on est très psychologique. Donc, bien le bonsoir, petit clin d'œil en passant. Ah, bonsoir, Annette. Ah, Madame Urbanski, je vous avais dit qu'un jour, Madame Urbanski, j'ai beaucoup pensé à vous. Je vous avais dit, je me souviens, il y a quelques années, que si vous étiez patiente, j'allais ouvrir une boîte courriel pour que vous puissiez m'écrire. Et ah, Blanquette, moi, bon, c'est un peu comme la chèvre de M. Séguin. Sauf que, bon, il y a des peurs de loup encore beaucoup. Mais c'est pas fou. Il est loin d'être fou, M. Blanchette. Madame Urbanski, j'ai créé une boîte courriel parce que je voulais que les gens, par exemple, comme vous, vous puissiez m'écrire. Et finalement, je suis tellement malhabile que j'ai mal fait ça, puis on voyait carrément là, mes coordonnées dedans. Il y avait mon nom, mon vrai nom, mon vrai prénom, qui est tout aussi. C'est tout presque. J'ai un prénom presque pire que Berthold, là. Hein, on dirait que mes parents voulaient que je devienne le majordome, là, en me donnant un prénom comme j'ai. Mais Si je vous avais dit, si vous êtes patiente, que j'allais un jour faire en sorte que vous m'écriviez, mais il s'agit que je trouve une faille. Il va falloir tout simplement que je marque Berthold de Supramental au lieu de mon nom, prénom, mais que je prenne la peine d'aller modifier ça. Mais Madame Urbanski, je me souviens, j'ai souvent pensé à vous. Puis je pense que vous m'aviez dit que vous étiez parmi les premières qui allaient voir Bernard. Donc, bon, patience à toute épreuve, ben, c'est très bien. Moi, j'ai loin, je peux pas en dire autant de moi. Puis des fois, je me disais, bon, ben, elle doit avoir un certain âge. Puis souvent, je me disais, j'espère qu'elle est encore là, puis qu'on va avoir la possibilité, parce que je me rappelle que vous vouliez m'écrire. Puis finalement, comme je décide pas que c'est lié à des vibrations, ben, il y a que j'ai ça a été long avant que j'ouvre une boîte courriel. C'est quelqu'un qui a voulu me rejoindre, qui est passé par Sergio. Finalement, je l'ai fait, j'ai ouvert une boîte courriel, mais comme je vous dis, là, si je la donne comme ça sur la chaîne, les gens vont voir mon nom, mon prénom, puis là, ils vont se faire venir des cartes de crédit. Je sais pas, tu sais, ça peut, moi, ouais, des fois, là. Eugénie, troisième prénom, jeu de mots pour le nom. Karine, pour mon prénom usuel. Ah bon. Bon, mais très bien. Par rapport, je repensais, là, moi, l'action de grâce, on ne fait pas grand-chose, vraiment, là, pas dans le sens que je ne rends pas grâce, je suis reconnaissant, mais quand même, disons qu'on n'est pas une famille américaine, hein, qui écoute le Super Bowl puis qui fait un gros souper après, donc j'ai surtout de la vaisselle à faire, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour ma part, je n'ai aucune envie de rendre grâce pour les 65 ans de souffrance intense vécue sur cette terre, que les forces aillent se faire foutre. Ben oui, mais des forces, il n'y en a pas. Vous n'avez pas sûrement juste vécu de la souffrance. Et puis, s'il n'y avait pas de souffrance sur Terre, il n'y aurait aucune évolution sur Terre. Il n'y aurait aucune intégration. Puis, bonsoir, Louis. Donc, les forces. Même, ça m'est arrivé des fois de répondre carrément dans ma tête. Je leur répondais, mangez de la marde. Puis ils disaient, ben, on peut pas. Savourais à l'idée, c'est-à-dire la vibration de ce que je répondais. Puis là, tout d'un coup, ça avait un effet. Savourais à l'idée, parce que je retourne la pensée. Parce que c'est ça. Mais envoyer les forces se faire foutre. Il faut que ce soit vibratoirement parce que dans les faits, là, ils peuvent pas vraiment se faire foutre ou aller se faire voir ou manger. Bon. Mais il y a toujours moyen de retourner les vibrations d'une façon amplifiée, puis ça a un effet des fois. Puis même, on a pu constater là, avec David que des fois, on les ébranle. Vous savez qu'il y a de la souffrance hein, aussi sur les plans qui est possible. Puis des fois, bon. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aimeraient bien? Moi, probable. Ça dépend des plans. Mais comme si on prend l'astral, là, qui est carrément une copie mémorielle du plan matériel, là, ça se fait foutre en masse. Il y a des affaires là, il pouvait pas avoir du monde qui faisait des sorties en astral dans le temps, puis qui allait au sabbat, là, entre guillemets, puis il voyait toutes sortes d'affaires. Ce que Freud appelait l'inconscient, là, tout ce que les gens refoulent, là, il faut bien que ça aille quelque part, hein. Puis, bon, c'est ça, ça donne ce que ça donne. Puis, jusqu'à un certain point, oui, l'enfer existe. Il n'est pas juste ici avec nous. Il est un petit peu partout autour de la planète. Mais là, c'est des fréquences, donc c'est ce qui vibre bas, là. C'est pas parce que c'est là qu'on est pris dedans. On n'est pas obligé, si on vibre plus haut que ça. Puis là, d'une certaine façon, je radote un peu. Est-ce que je radote? Sûrement un peu. Puis, est-ce qu'il y a des sujets où je ne sais pas, là? Parce que je ne suis pas pour parler des Britanniques et de l'action de grâce pendant 45 minutes à 1 heure, là. Ça va être vraiment plate. Quoique c'est un bon exemple de comment l'astral peut agir pour corrompre une société. Tout simplement par des pensées, par de la paranoïa. Puis, entre autres aussi par de l'émotivité, là, d'une façon épouvantable, puis par l'orgueil. Si vous relisez, là, la façon dont ça s'est produit, là, l'orgueil des juges. Puis, la prétention aussi de savoir.

Mais c'est comme je vous dis, c'est subjectif. C'est les formes que ça prend. C'est les formes que l'information au niveau énergétique va prendre par rapport à la mémoire dans mon âme. Puis quand je me réveille, puis que j'ai souvenir de tout ça, c'est pas nécessairement objectif. Donc, je me fie à rien. Je me fie à rien. Mais s'adonner à ce genre d'expérience-là, il faut avoir un petit peu de front. Quel régal encore en direct. Bon, OK, ça peut être un repas de l'action de grâce aussi. Les entités non humaines. Ouais, ben, disons, on pourrait parler de des forces qui s'activent. Mais est-ce que, par rapport à moi, c'est quand je me suis réveillé. J'avais mes mains sur la poitrine. Puis, j'étais en train de. C'était assez spécial. C'était. Je me sens bizarre de raconter ça. On se fie à quoi? Mais non, ben oui, on peut pas. Moi, je me fie à rien, hein. Depuis que je suis très jeune, je me demande si même le monde matériel dans lequel nous vivons n'est pas une illusion, si c'est réel, tout ça. Et même quand j'avais 7-8 ans, je me demandais si Dieu n'était pas au fond une sorte de rêveur, puis on était des êtres dans son rêve, de l'énergie auquel lui donne forme. Puis par après, plus tard, j'allais du côté des idéalistes. Vous savez, les philosophes idéalistes, finalement, j'ai fini par être assez pointu dans ce domaine-là. J'ai même aidé quand le peu de temps que j'ai été sur Facebook, j'ai aidé des étudiants en philosophie par rapport à des fois, là, des thèses qu'il y avait ou par rapport aux idéalistes. Mais vous savez quoi? J'ai tout oublié. Je me souviens plus du tout de rien. Puis, mais c'était un peu comme. Par exemple, là, c'est qui le père de l'idéalisme? C'est l'Irlandais, Berkeley. Vous savez, en Californie, là, il y a dans la Californie qui est un des endroits les plus astrals sur Terre, là. Il y a une université, Berkeley. Ils sont complètement sautés. Ce monde-là, ça n'a pas de bon sens. C'est à ça que ça amène. J'ai croisé un petit garçon qui m'a dit la même chose à 9 ans. Il m'a traumatisé. Eh bien, bon, est-ce que c'est réellement. L'affaire, c'est par exemple pour avoir des rêves lucides, si pendant la journée, que pendant votre vécu de la journée, vous vous demandez de temps en temps, est-ce que je suis en train de rêver? Et bien, à un moment donné, vous allez rêver que vous êtes dans l'état de veille, puis comme c'est une habitude, vous allez vous demander dans le rêve, est-ce que je suis en train de rêver? Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes en train de rêver, là, le rêve va devenir lucide. Donc, se poser des questions, ça amène des réponses, semble-t-il. Donc, c'est terrible, mais nous sommes conditionnés à ne pas nous poser trop de questions. Mais en même temps, il ne faut pas se casser la tête. Donc, c'est une question de mesure. C'est difficile à imaginer, conceptualiser pour moi un monde illusoire. Ben, au sens que nous sommes restreints par notre interprétation au sens de l'information du monde qui nous entoure. C'est comme un daltonien qui serait venu au monde sur une planète de daltoniens. Il ne pourrait pas conceptualiser des couleurs, mais il peut conceptualiser le fait que peut-être il existe des couleurs qu'il n'a jamais vues. C'est déjà le début, ça, de quelque chose. Comment je pourrais dire ça? Déjà là, je pense qu'au niveau du branchement synaptique dans le cerveau, comme le cerveau actualise les choses, il y a déjà là, des petits courts-circuits qui peuvent être intéressants, qui se font. Comment étudier sa programmation? Ben, c'est pas vous vous regardez aller, c'est juste d'essayer de développer une objectivité puis de vous regarder aller, mais c'est difficile ça, moi-même, j'ai de la misère. En lien avec les rêves, l'expérience la plus puissante que j'ai faite de rêver et d'être conscient de rêver, mais pas un rêve lucide, et je pouvais créer et faire ce que je voulais au fur et à mesure, ben, c'est ça un rêve lucide. C'est ça la définition. Si vous savez que vous rêvez, c'est un rêve, la définition qu'on donne d'un rêve lucide. Si l'astral est de la mémoire morte, pourquoi des entités sentientes y vivent? C'est quoi sentientes, des entités sentientes y vivent? Sont-ce des programmes? On leur sent une volonté bien vivante. Ben, il y a une volonté jusqu'à un certain point, mais c'est un peu comme de l'instinct dans l'âme d'animaux. Donc, ces programmés-là, mais il reste que. Est-ce que c'est une volonté vivante? Moi, je considère que non. La preuve, moi, quand c'est arrivé, puis j'ai été confronté à ça, là, cette espèce de créature-là, Puis je me il y a quelque chose qui m'a dit il peut rien te faire de toute façon. Fait que puis je me suis réveillé. Donc une ce non, ce n'est pas de la volonté très très puissante à mes yeux en tout cas là. Moi ça m'impressionne pas. J'ai trouvé ça un peu spécial parce que j'avais jamais vécu ça là, mais ça m'impressionne pas 2 secondes. Cette bibitte-là, c'est rien. Arrêtez de parler des rêves. Moi je me souviens pas de mes rêves. Je m'en tape. Vaut mieux pas car ils essaient toujours de me faire peur. Ben, si vous en souvenez pas, comment est-ce que vous savez qu'ils essaient toujours de vous faire peur? La vibration de Daniel Ménard m'a aidé en ce sens depuis me faire intimider psychiquement au niveau du rêve. Et j'ai rêvé énormément dans ma vie et je me souviens de beaucoup de détails. Bon, oui, ben, Daniel Ménard, je ne l'ai pas écouté beaucoup. Pourtant, mais c'est arrivé que je l'écoute, Daniel Ménard, puis j'étais en maudit après ce qu'il disait. Parce qu'il y a des affaires qui. Mais j'aurais peut-être dû l'écouter plus un peu, parce que je déteste pas sa vibration. Mais, car c'est les seuls qui me réveillent. Ben, j'ai eu quelqu'un que j'ai connu avec qui je discutais, qui disait, lui, que pour lui, les cauchemars étaient bon signe. Que pour lui, c'était bien. Ça indiquait que les choses allaient bien. Mais oui, c'est comme Ménard, à un moment donné, je l'écoutais, il parlait par rapport à une crise économique, qu'on ne peut pas acheter d'or, que c'est juste de l'or papier, ce qui est totalement faux. Là, vous pouvez tous acheter de l'or. La plupart des banques vendent de l'or physique et il sera livré chez vous. Vous n'êtes même pas obligé de le garder dans un coffre-fort à la banque. Là, vous pouvez l'avoir. Ça m'avait choqué qu'il dise ça, Ménard. Je me disais, mais de quoi il parle? Il n'est pas au courant qu'on peut acheter de l'or, qu'on peut acheter des lingots d'argent, qu'on peut. Même du platine, puis. Hein, oui, si on veut. Pendant la nuit, j'ai reçu de l'électricité, c'était dur à supporter. Et une entité m'a calmé en parole. Je ne pouvais pas me sortir de cette situation. Ouais, ben moi, ça m'est arrivé aussi de recevoir comme ça puis je me faisais dire laisse-nous travailler. J'étais là, OK, que c'est presque comme les hystériques sur les vieilles gravures, là, que vous venez de devenir harkis. C'est une fois là, j'avais peur de me casser les jambes dans mon lit, tellement c'était fort, puis que mes talons étaient en train d'entrer dans le matelas, j'étais complètement. Quand sa vibration m'a aidé, quand il disait de retourner dans les rêves et pas se laisser battre par perdre la bataille, mais la question est de savoir comment le faire sur la vibration, non par le désir. Ben. Moi, ça m'est arrivé aussi des rêves que je me rendais compte que c'était un rêve parce que tout d'un coup, je retombais dans une espèce de. J'étais semi-éveillé, je me rendais compte que j'étais dans mon lit. Puis après, je retournais. Mais souvent, moi, ce qui m'insulte par rapport aux rêves, c'est que c'est réellement souvent un décor, c'est une mise en scène où justement, on dirait que la réactivité puis de l'être humain, sa psychologie est étudiée. Il y a des mises en situation puis tout. Comme par exemple, souvent je rêvais que j'étais dans une ville à l'étranger, puis que je suis dans un centre d'achat ou un magasin, puis que je regarde des choses comme si je magasinais. Puis une fois que je me rends compte que c'est un rêve, là, je me mets à agir d'une façon qui n'a pas de bon sens, là, je me mets à tout casser, puis d'agir d'une façon que je ne ferais jamais dans la réalité. Aussi, ça m'est arrivé de rêver que j'étais avec d'autres dans une espèce d'entrepôt, puis on nous faisait faire des tests. Des espèces de petits travaux. Puis j'essayais d'expliquer aux autres, c'est pas vrai, c'est un rêve. On est en train de rêver. Puis là, les autres m'essayaient de me convaincre que non, c'est réel, on est ici pour faire des. Puis là, tout d'un coup, souvent, je me mettais à léviter dans la pièce. Puis là, tout d'un coup, je peux voir les espèces de ceux qui dirigent l'expérience, parce que là, ils me regardent, ils sont pas contents, eux autres, tandis que les autres me regardaient comme qu'est-ce qui se passe. Par rapport aux entités mortes, je parlais de leur volonté anti-vie. Comment, dans le contexte actuel, leur volonté est forte en Simonac, il me semble. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'aurais jamais pensé voir ça. Il y a des gens qui sont totalement coupés de. En tout cas, il y a des gens qui deviennent mécaniques, même. C'est comme si ça commençait à s'incarner dans beaucoup de monde, même. C'est pas juste dans. Aujourd'hui, j'intègre mon énergie et ma vibration. Je fais face à mes peurs luciférienne, peur de l'ombre. Ça a été un long processus très intense. Attaque psychique. Ben oui, c'est. Moi aussi, ça m'est arrivé que des entités sont venues. Merde, j'étais paralysé. Je lui ai dit, tu ne peux rien faire car tu n'es pas dans mon monde. Après quelques secondes, j'ai sorti de ma paralysie. Le problème, c'est que l'être humain est multidimensionnel. Donc, une entité qui est sur un autre plan, vous avez une partie de vous qui est sur ce plan-là aussi. Sinon, il n'y aurait pas une perception. Puis, comme il y a différents faisceaux, ben, vous pouvez être attaqué sur une partie de votre dimensionnalité. Mais c'est vrai qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Mais les gens qui ont vécu là, des paralysies du sommeil, puis des choses comme ça, des fois, c'est très surprenant. Il y a même des cas où il y a des traces physiques dans la chambre. Donc, jusqu'à un certain point, ça vient réfuter certaines théories. Comme il y a des neurologues là, qui ont tenté d'expliquer ça, que mais non, il y a des choses anormales qui se passent. Puis même, j'ai une ancienne conjointe qui a travaillé avec des gens qui avaient des troubles mentaux. Puis, vous savez, les gens qui ont des troubles mentaux, ils vivent des attaques, souvent, parce qu'ils vibrent bas. Ils sont vulnérables. Et puis, une qui elle me racontait son délire, une petite madame comme déficiente mentale, puis elle disait, il vient des araignées des fois, puis là, ils font du fromage, puis j'aime pas ça. Puis là, elle me contait ça comme quelque chose de comique. Puis là, je dis, attends une minute, là. Attends une minute, là, c'est quoi ce fromage-là? Parce que je trouvais que ça ressemblait à des descriptions comme il y a certains savants là, à la fin du 19e siècle qui ont étudié l'ectoplasme. Puis je te disais, attends une minute, là, il y a quelque chose là. Et est-il possible de ne pas aller sur le plan astral pendant le sommeil? Oui. Comme ça m'arrive des fois de dormir, de savoir que je dors, puis d'avoir conscience de la pièce, puis je suis pas dans l'astral, puis j'ai conscience de ce qui se passe autour, puis je suis pas dans l'astral. Puis à ce moment-là, on a la paix au moins. Mais le sommeil a différentes phases. Donc, est-ce que le rêve est uniquement localisé sur le plan astral où les plans sont imbriqués ensemble? Ben oui, il y a des gens qui sortent de l'astral, je sais. C'est là que ça devient, mais c'est plus des rêves, là. On tombe dans le, c'est plus onirique. On est dans de la projection, de l'extériorisation, de la sensibilité. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont connu l'œuvre d'un monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait? C'est un monsieur que il a fait beaucoup d'expériences d'extériorisation de la sensibilité, puis c'est une fois qu'il a réussi sa vie, puis qu'il a pris sa retraite, qu'il a décidé de. Mais il a fondé un institut, mais par après, ça s'est astralisé, l'institut, tu t'es rendu. C'est ça, Monroe. Monroe. Il y en a un il me parlait de lui, il dit à un moment donné, pendant ses sorties sur les plans, ou entre les plans, il dit, il voyait comme ça ressemble à des bancs de poissons, mais il faut dès que tu bouges, ça vient tirer de l'énergie. Puis il me contait des choses. J'ai dit, oui, ça m'évoque des espèces de souvenirs, ce que tu me dis là. Mais oui, le problème avec c'est ce qu'on pourrait appeler des pionniers, c'est qu'ils vont fonder un institut, ils vont s'entourer de personnes, ils se développent des doctrines, ils commencent à avoir des affaires de budget, puis ça devient tout le temps astral, puis de la. Donc, plus souvent qu'autrement, c'est quoi la fameuse vibration à l'intérieur du crâne qu'on sent la nuit? En mi-sommeil, j'avais beaucoup ça quand j'étais ado. Ce serait la glande pinéale. La glande pinéale qui fonctionne par vibration puis qui est rattachée dans le cerveau à tout ce qui est lié à la vue. Donc, elle a donné une forme aux longueurs d'onde, entre autres. Donc, c'est l'un des centres les plus importants. Et puis, c'est normal quand on est ado parce qu'il y a une exacerbation de certaines sensibilités, puis il y a une densification de certains corps qui se font. Donc, mais il y en a que dès l'enfance, que ça va se manifester avant d'être ado. Mais oui, ce serait la glande pinéale qui fait la vibration qui vient de l'intérieur du crâne. Puis justement, chez Pitre, au studio, là, aujourd'hui, il y a une dame qui disait qu'il y a certaines technologies actuelles qu'on nous impose par chantage, puis ça viendrait à vouloir calcifier ce centre-là. Donc, jusqu'à un certain point, bon, si c'est ça, mais si vous regardez même l'architecture dans des temps anciens ou ce qui est décrit par certaines personnes, ben, la glande pinéale était vue, était représentée. Personnellement, des fois, quand je chante la veille puis le sommeil, je vois un point lumineux devant moi. C'est à une distance, là, je dirais peut-être une quinzaine de centimètres là, de mon front. Mais ce que je vois à l'extérieur, ce petit point lumineux-là, il est probablement à l'intérieur. C'est probable. Il ne doit pas être à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire. Mais c'est pas. Comme par exemple, les taoïstes essaient de voir l'intérieur de leur corps, comme si leurs yeux retournaient à l'envers pour essayer de voir la lumière en dedans de la tête. Mais ça, c'est certaines écoles, là. C'est pas le taoïsme religieux, en tout cas. Amy Singh, je connais pas. C'est des gens originaires du Punjab. Non, ça s'écrit pas comme ça, les Singh. Il y a 3 ans, j'ai aussi des vibrations de tout le corps très intenses avant de dormir, qui ont duré plusieurs minutes, plusieurs jours. C'est la pinéale aussi. Ben, c'est certain que ça doit faire partie de ça, mais là, il doit y avoir d'autres centres d'activer. Notamment, là, celui près de l'ombilic, puis le plexus solaire, ces choses-là. Moi, ben, la Kundalini, ça, c'est ce qui est en bas qui remonte, tandis que moi, les phénomènes que j'ai vécu, ça vient d'en haut, puis ça descend. C'est pas, en tout cas, c'est pas lié à des techniques non plus. Bonsoir du Québec, pour une fois que je te retrouve sur un live, je dois quitter. Parce que ma connexion Internet est inefficace. Une autre fois, là, merci pour ta présence sur le net. Bon, ben, merci à vous, Lise. Bien. Mais c'est ça, le problème avec la spiritualité, là, au sens de sectes qui ont développé des doctrines et des techniques, c'est que dans le passé, au niveau de l'involution, c'est toujours lié à faire monter des forces qui sont au fond des vibrations planétaires. Alors qu'il va falloir à un moment donné, peut-être, c'est. Aurobindo disait que ça viendrait d'en haut, ce qui rompt complètement avec certaines choses. On en Lise, pour la connexion, un câble Internet peut être utile. Moi, j'ai un Wi-Fi, puis on en a pour combien de temps avant que la marée vire de bord concernant la dérive fasciste mondiale? Ça va être différent selon les endroits. Ça, je ne le sais pas. Je ne suis pas pour dire que je le sais, là. Ce que je sais, c'est que ça brosse beaucoup puis ça va de plus en plus vite. Mais souvent, les choses évoluent dans le traumatisme et puis il faut atteindre l'horreur pour que qu'une majorité d'yeux s'ouvre. Donc, on verra. Je sais que ce n'est pas trop réjouissant, là. Par rapport aux entités, c'est que je sens que s'il y a encore un jeu de consentement, en fait, d'attaquer la psyché, donc il se sert de notre propre psyché, même pour des marques sur notre corps, par exemple. Ben, l'autorité d'un être humain incarné est extrêmement forte sur l'invisible. C'est pour ça qu'il a été écrit qu'on a, nous avons à craindre de rien d'autre que des dominations dans des lieux célestes. Il est écrit ça dans les évangiles. Pourtant, ça parle de l'astral très clairement. De toutes ces forces-là, puis de toutes ces. Mais pourtant, on a une autorité extraordinaire. L'être humain n'est pas capable de vibrer sa propre autorité. On dirait, il n'y a personne qui est censé pouvoir. Moi, en tout cas, les nuits où je me joue. Depuis l'enfance, je me fais plus attaquer. Fait que ça marche pas. Que pourrait signifier une crise d'épilepsie? Ben, moi, je vois qu'un dérèglement là, électrique dans le cerveau, mais là, ça, c'est. Selon ce que les neurologues nous disent, au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau d'une tempête électrique comme ça dans un crâne? J'arrête pas de me faire éjecter du direct chaque fois que je veux poster des bêtises. Ma connexion bug, qu'en dites-vous? Ben, je le sais pas. Si vous-même vous voyez des bêtises, pourquoi vous voulez m'envoyer ça? Ben, moi, j'ai pas de modérateur en chair et en os, en tout cas. D'abord, s'il vous plaît, c'est quoi qui m'a brassé comme un zigzag tout le corps? Ben, c'est possiblement des décharges vibratoires électriques dans le système nerveux. Ça peut être lié à un alignement des corps. Mais ça, encore là, c'est du cas par cas, donc. Moi aussi, j'étais incapable d'écouter les derniers lives, j'avais pas la vibration et je tombe pile aujourd'hui. Heureux d'être parmi vous, j'apprécie ta personne. Bon, ben, merci beaucoup. Je pensais que c'était ça en cherchant. Là, faudrait que je retienne les. Comment faire avec ces nouveaux enfants tellement conscients qu'ils sont effrayés par ce qu'ils constatent? Ça donne des enfants à la fois peureux, impatients, intolérants. Ouais, ben, ça me rappelle des souvenirs. Ben, moi, c'est la force, à force de, à un moment donné, ils vont. C'est bien dommage, mais c'est par de la souffrance expérimentale qu'on intègre plus souvent qu'autrement. Mais il y a Marc de la Salle qui a beaucoup écrit là-dessus des choses intéressantes, donc peut-être aller voir de son côté. Comment expliques-tu les cauchemars répétés liés à être en processus d'éveil? Ben, ça doit être une intégration qui se fait mal, sinon il n'y aurait pas une répétition ou quelque chose du genre. Mais il y a souvent des intelligences derrière la forme qui veulent s'exprimer à travers les rêves. Puis des fois, je me ramasse moi-même en pleine nuit à être obligé d'aller sur Google pour savoir c'est quoi ça. Puis même là, je le sais que je devrais pas faire ça. Je devrais juste poser la question intérieurement, mais je suis jamais satisfait. Donc, je vais voir si ça se vérifie, si on peut dire. Comme une fois où j'ai rêvé d'un oiseau à six pattes dans un arbre, pour finalement aller voir sur Internet puis me rendre compte que c'est un animal fabuleux qui symbolise des choses dans le folklore persan. J'étais encore des hosties de... J'ai appris à mon fils à dire « ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas ». Je lui dis qu'ils ne peuvent rien contre lui. Moi, c'est parce qu'il faudrait pas non plus... Moi, j'ai de la misère avec ça d'expliquer les affaires d'entité aux enfants. Parce qu'ils ont un pouvoir d'entêtisation très grand. Donc, je ne suis pas contre l'idée de dire aux enfants, ben, c'est ton imagination, entre guillemets, mais c'est là, il faut être ajusté, là, pas non plus nier toute réalité s'il y a des phénomènes violents. Là. Il y a des enfants qui font des terreurs nocturnes, que c'est réellement des attaques. Là. Moi, je considère que c'est réellement des attaques. Mais les enfants... Ils ont un pouvoir d'entitisation tellement fort que si on les met à leur parler d'entité, de choses comme ça peut être à mes yeux dangereux. Je trouve pas ça très sain de leur parler de trop d'invisibles. Et puis, malgré que moi, quand j'étais enfant, ma grand-mère, mon père m'en parlait beaucoup. Puis, bon, ça a donné ce que vous voyez. Mais, parce que je peux pas dire, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien. C'est pas de mes affaires, au fond. Ah bon, ok. Il envoie. Moi, mais c'est là que, justement, quand c'est rendu à voir, c'est fort en maudit. Les enfants devraient avoir la paix, puis, en tout cas. Je reçois depuis 2004 des flux d'énergie venant du haut de la tête. Au début, c'était puissant et me rendait malade. J'ai demandé à ce que ce soit plus doux et les flux se sont adoucis. Bon, c'est parfait, ça. Ah, il fait plein de rêves. Ben ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a un psychisme très riche, au sens qu'il est très énergisé. C'est pas normal un enfant qui rêve pas. Parce que il y a une partie de l'intégration puis de l'apprentissage qui se fait la nuit. On le voit notamment là. En tout cas, si vous empêchez quelqu'un de rêver, il y a des expériences qui ont été faites avec ceux qui sont plus capables d'apprendre. Donc, il y a quelque chose d'un processus important là-dedans. Pour la télépsychie, peut-on s'en prendre à l'entité qui chevauche? J'avoue que si ça revient, si ce n'est pas maîtrisé, c'est épeurant. J'espère juste que leur dérive trouvera sa réponse ajustée. Ben, c'est censé se faire. Personnellement, je pars pas. Je n'ai pas de désespoir par rapport à. Je pense que ça ne sera pas nécessairement le fun. Au niveau électrique, des grands changements et mutations sont en cours dans nos corps et dans la structure des radiocommunications. Oui, je pense aussi, mais au niveau de percevoir des, comme par exemple, là, ce qui pourrait s'approcher de la télépathie, je me sens moins sensible depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez que le phénomène est reflété à partir de l'installation de la télépathie avec notre contact? Oui, ça, par contre, quand j'ai encore des dialogues internes là, assez intenses, je reçois encore de l'information que je continue d'aller vérifier tout le temps parce que j'ai toujours quand même des doutes. Mais je sais pas, il se passe en ce moment des choses. Moi, depuis quelques années, j'ai plus de phénomènes intenses ou j'ai plus d'expériences très surprenantes, là. Puis j'ai l'impression qu'il y a une charge qui s'accumule, puis à un moment donné, je vais avoir là. En tout cas, quasiment. Il rêve parfois des trucs affreux. C'est dans ce cas-là que je lui dis de dire ça ne m'appartient pas. Ok, oui. Vaut mieux. Vaut mieux. C'est mieux qu'un maudit psychanalyste qui irait dire que ça vient de lui, puis c'est refoulé, puis blablabla. Une nuit consciente en dormant, j'attendais un cliquetis dans la tête et j'ai ouvert les yeux et un gris s'est levé debout à côté de moi. J'ai pas eu peur pour ça, ressemblait à un hologramme qui s'est évaporé. Ben, je pense qu'il y a des choses qui servent des formes dans la mémoire collective pour. Oui, on peut dire un hologramme, c'est de trouver ce qu'il y a derrière ça. Bonsoir à vous autres. Qu'est-ce qu'une action de grâce? Ben, c'est de dire merci aux forces, parce qu'en ce moment, c'est l'action de grâce au Canada. Pour ma part, je me débarrasse des entités en leur envoyant des jets de colère mentale. Le résultat est instantané. Oui, ça fonctionne bien. Puis, j'ai coupé les ponts avec ceux qui sont hypnotisés. La colère est trop prompte et je veux les en protéger. Comment vous faites pour fonctionner? Parce que s'il fallait couper les ponts avec tout le monde qui est hypnotisé, mais moi aussi, il y a eu des ménages dernièrement. C'est qu'à un moment donné, j'ai pas beaucoup de patience. C'est vrai que j'ai arrêté de fumer, ça fait pas longtemps, là. Mais. Tu vas avoir un port comme de répondre aux inutiles sur YouTube. Ben là, il n'y a jamais de rien d'inutile. Je trouve pas que. Mais là, vous jasez avec quelqu'un d'autre possiblement. Si vous mettez le nom de la personne, là, comment est-ce qu'il appelle ça, là, c'est tout ça des hashtags? Moi, je suis pas très technologique. Les termes, là, les nouveaux termes, puis tout ça. Mais par rapport à. Les hypnotisés, nous le sommes tous hypnotisés jusqu'à un certain point, sinon ce serait impossible de fonctionner socialement. Quelqu'un qui verrait parfaitement clairement tout le temps, là, ben à ce moment-là, il devient une espèce de Christ, hein, puis il bouleverse toute la société. Donc, il faut quand même être astralisé d'une certaine façon, c'est-à-dire avoir encore des rapports avec l'âme collective pour fonctionner socialement. Quelqu'un là qui devient trop aussi des fois c'est la personne elle va s'auto il y a de l'auto-hypnose qui existe plus ça fait des reclus puis des ermites qui se mettent à délirer dans leur coin puis qui s'en rendent pas compte puis c'est encore plus dangereux que la socialisation là bonsoir donc c'est ça là jusqu'à un certain point. Pour pouvoir fonctionner dans quelque chose de collectif, il faut au moins être capable de percevoir certaines choses qui sont collectives. Sinon, il va y avoir une trop grande dichotomie avec les autres. Puis, à mes yeux, c'est jamais bon. C'est jamais bon. On n'est pas en société, on n'est pas incarné juste pour le fun. Il y a des choses intégrées par rapport à ça. Puis, on peut rêver qu'on se réveille, puis ça finit que ça fait des gens. Il y a de l'orgueil des fois. Ça peut être de l'orgueil de te vouloir rejeter tout puis de se couper du monde. C'est jamais trop bon. Les rapports avec les autres permettent d'affûter, d'affiner, transmuter, oui. Puis plus il y a du monde qui vous font chier, plus vous allez être mis en vibration, puis plus vous allez apprendre à gérer de l'énergie. Moi, à mes yeux, ça a une certaine importance. Encore plus dangereux s'ils consomment des champignons hallucinogènes. Ben, tout ce qui altère, moi, je trouve ça, que ce soit n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis d'accord parce que rien d'inutile, vos réponses à ces gens, elles permettent d'observer mes propres polarités. Se tenir debout, c'est quelque chose. Ben, ce qui s'en vient, les principaux tests, ça va être voir et faire face, hein. Puis des fois, même pas faire face dans le sens de s'opposer, mais simplement voir puis rester intègre quand même sans bouleverser tout, là. Parce que des fois, on se comporte un peu. Il y en a là des grands initiés, là. Ben, des fois, là, c'est discutable, là, en tout cas. Supposément, là, que c'est du monde bien éveillé, puis tout, là. Puis pourtant, ça aboutit à des tempêtes. Puis je vois jamais ça comme. Il y a quelque chose souvent ben moi-même, là, je suis comme ça, dans le sens que souvent, je suis facile à me mettre en colère. Mais moi, c'est quand je dis quelque chose à quelqu'un, puis que la personne n'en tient pas compte, puis que je le répète, puis que la personne, là, à un moment donné, je me tends. Puis là, à un moment donné, il y a une coupure. En des morts astrales, beaucoup d'initiations mal finies. Ben oui. Plus il y a de la lumière en vous, plus vous allez attirer des mouches, plus vous êtes élevé, plus vous allez être testé. Puis c'est pareil pour tout le monde. Puis moi, ça passait pas souvent que. En tout cas, j'aurais pu mal finir. La belle supposée lumière magique, pleine d'amour au bout du tunnel, c'est une illusion pour nous piéger souvent. Parce que des fois, c'est pas la bonne sortie. J'aimerais. Des fois, c'est mieux de rester sur place, d'attendre. Moi, du coup, je ne m'agarouche pas vers les lumières. Pas bien, ben. Je me rends compte que consentement se fait encore à mon insu dans le concret. S'il faut, en quelques secondes, si on ne fait pas gaffe. S'énerver, c'est l'amour de l'individu. Moi, ben, l'amour, c'est de l'énergie. Puis si c'est, ça peut être pollué, astralisé, puis ça peut devenir. Donc, c'est bien, c'est tout le temps bon à la base, mais c'est comme de l'eau. De l'eau, c'est toujours bon, tout le monde en a besoin, mais là, s'il y a de l'huile à moteur dedans, si. J'ai vu cette lumière, enfin. Ben, moi, il m'est arrivé un phénomène souvent quand j'étais couché le soir, puis ça se produit moins, mais je voyais des flashs lumineux, mais intenses, là. Puis, ces temps-ci, c'est plus un petit point lumineux là, qui, des fois, se met à osciller, ou bien des fois, je vais avoir les IA. Une 12 ans à peu près, là, j'avais comme une lumière d'auto qui s'allume d'un coup puis qui rééteint, puis ça prend plus de temps à s'enlever que ça a été allumé. Puis j'avais beaucoup de difficultés à comprendre ce phénomène-là. De toute façon, ça me donnerait quoi de comprendre. J'ai passé proche de mourir aussi à vouloir faire la guerre aux forces 28 ans mort-vivant. Ça va mieux, j'ai réussi à intégrer beaucoup de choses humaines. Prends-moi pour un autre. Ben, à un moment donné, on est forcé à. Les gens orgueilleux vont s'attirer des humiliations, j'ai remarqué ça. Ben, moi, en tout cas, avec moi-même, je l'ai remarqué. Puis on dirait que c'est tout le temps ajusté, hein, l'expérimental qui est. Des fois, quand on vit l'enfer, c'est parce qu'il y a un feu qui veut brûler de la pollution, des choses comme ça. Puis on se met les pieds dans les plats, des fois, parce que c'est nécessaire. Puis. En tout cas, on est jusqu'à un certain point sans tomber dans des vieilles choses, là. On est notre propre ennemi souvent. Dans le sens de l'ego, ben, l'ego en tant que quelque chose de subjectif puis de pollué, pas en tant de dénigrer, pas en tant que dénigrer l'ego. Dans 3 ans, je pense comme un soleil qui m'éblouit pas, qui reflète l'amour pur. Ben, l'amour pur, ça serait de l'énergie vitale. De la source. C'est très ajusté quand on réussit à voir au-delà de. C'était moi qui vis l'événement. Voir au-delà de moi qui vois, ben, à un moment donné, il y a une subjectivité, quelque chose de compartimenté en dehors de l'expérimental qui vient à bout d'observer l'expérimental. Ça semble s'être développé récemment. Je parle au niveau de l'histoire, là. Ça a réussi à. De faire développer des sciences comme la psychologie. Puis dernièrement, j'avais canalisé que ça serait lié à la planète Mercure, ces forces-là d'équilibre. En tout cas, des fois, il faut en prendre pas en laisser, là, même de ce que moi, ça me dit, puis de ce que je dis. Dans ma jeunesse, j'ai dansé le ballet. D'un coup, je me suis vu. C'est pas facile à expliquer. Ah, ben, il y a peut-être eu une extériorisation. Il y a une partie de vous qui. J'ai eu la même chose qui m'a été expliquée par quelqu'un qui avait vu ça, un sportif. Puis, oui, ça semble être des expériences liées à une déspatialisation de la perception. Puis, c'est des phénomènes intéressants. Je comprends pas que les. Ben, les savants, oui, ils s'intéressent à ces choses-là, mais surtout pour voir des savants de certains consortiums qui veulent trouver des applications. Souvent militaire, là. En tout cas, mais il reste que oui, l'être humain est extrêmement riche, extrêmement plein de ressources, extrêmement vaste. Puis malheureusement, l'expérience individuelle va être dénigrée par le collectif tout le temps. C'est là que ça devient extrêmement dommage. Il faut mettre des chaussures de sécurité contre les clous aux pieds. Ben oui, d'un autre côté, des fois, si on sent plus le sol. Peux-tu nous parler des 7 étapes d'initiation ou des premières? Ben, moi, j'ai jamais catégorisé ça en site. C'est drôle, ça. J'avais un partenaire de parole, puis à un moment donné, il m'avait dit, sors-moi les 6 principes de l'énergie. Puis j'avais pris un calepin, puis je m'étais mis à. J'avais sorti 6 principes, puis que je me souviens plus, là. Mais les 7 étapes d'initiation, ben, ça. Je pourrais pas dire, ben, je dirais dans les premières, là. Et premièrement, je dirais l'initiation terrestre, qui est par rapport là, à intégrer tout ce qui est par rapport au psychologique, de voir que c'est illusoire. Après ça, il pourrait y avoir une initiation lunaire par rapport à comprendre qu'il y a d'autres plans, comme l'astral. Puis là, initiation mercurienne par rapport à savoir qu'il y a de la télépathie, la pensée vient d'ailleurs, et puis ainsi de suite. Merci pour. Bon, ben, merci à vous. Quel militaire, car Madame et Monsieur sont des grands militaires, les plus bas évidemment. Mais qui ça donc? Vous savez, moi, mon père était un ancien militaire. Avant d'exercer le travail qui était le sien, là, c'était un militaire. Puis c'est par la colère qu'il est sorti de tout ça. Puis, en plus, là, moi, je me rappelle, peu avant qu'il meure, il voulait me donner des boîtes avec, vous savez, c'est comme des badges qu'on met sur des uniformes. Puis, il y avait plein d'archives d'affaires. Puis, j'ai dit, non, non, ça m'intéresse pas. Puis, ça doit être d'autres gens dans la famille qui ont ça. Puis, aujourd'hui, j'ai certains regrets. Parce que il y avait quelque chose dans son expérience à lui qui aurait peut-être pu m'expliquer certaines choses que moi, je vis. Puis, en tout cas, surtout mon père a été. Il a pas été longtemps militaire, pourtant il s'est ramassé à des affaires. Vous savez, il y a un tri, hein? Chez les militaires. En tout cas, moi je vois depuis mon adolescence un rond avec des points translucides qui tournent d'un côté puis de l'autre. Ah, ben c'est intéressant ça. Moi, c'est vraiment souvent, je vais voir un point lumineux très fugace. Ça allume ou bien ça reste là, puis c'est pas longtemps, puis mais ça, l'affaire qui tourne et. Cet accès, j'ai même jamais vu rien de comparable dans les témoignages de quelqu'un. Un jour que j'étais en train de lire, ma conscience, tout à coup, s'est retrouvée dans la tête d'un diplodocus en train de manger des feuilles d'arbre. Je regardais un autre diplo qui mangeait aussi. Ça peut être tout simplement la captation d'une mémoire. Pourquoi pas? Je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, je me suis retrouvé dans un état second, j'étais invisible, puis il y avait je voyais des créatures préhistoriques, et puis il y en a d'autres qui vivent ça. Mais c'est peut être carrément de la mémoire. Je me rappelle un jour que j'avais vu quelqu'un qui était dans une position comme les bouddhistes méditent, puis là j'avais compris qu'il était décédé ou semi-décédé, si on peut dire, puis j'avais vu que d'autres mettaient une espèce de tissu par-dessus. J'étais un enfant, là, je connaissais rien à ces choses-là. Puis plus tard, j'ai vu ça dans un documentaire en tout cas. Donc, pour les prochains temps, les mots d'ordre ou point d'ajustement seraient l'observation. Et quoi d'autre j'avais dit tout à l'heure? Ben, voir puis faire face. C'est difficile de rester centrique. Plus on voit, plus c'est difficile. Puis, moins on est centré qu'après, moins on voit, ça s'ajuste tout seul. C'est comme, vous savez, les vieilles machines à vapeur qui allaient trop vite. Il y avait 2 sphères qui s'éloignaient d'une tubulure pour laisser s'échapper de la vapeur. On a affaire à des phénomènes autorégulés du même genre. Quelle proportion de nos politiciens de carrière sont des sociopathes? Il me semble que c'est beaucoup. Peut-être sont-ils simplement à l'âge. Moi, je dirais autour de 10%. Parce que dans la moyenne, là, au niveau de. Je dirais la population générale, là, c'est 2 à 3 %. Mais ces gens-là vont être portés à aller dans des métiers comme, par exemple, gens d'affaires, gens d'entreprise, des policiers, même il y a beaucoup de gens, je trouve, dans le domaine de la santé, qu'on n'en parle pas souvent, mais si vous étudiez ces phénomènes-là, là, les docteurs qui tuent leurs patients ou les infirmiers, là, anges de la mort, bon. Donc, c'est toujours lié au pouvoir pour contrôler les autres. Puis ils vont être attirés par ces choses-là. Fait que d'après moi, ceux qui vont vers la politique, c'est souvent des gens d'affaires déjà, des fondateurs d'entreprises. Puis souvent, moi, après, d'après moi, il y en a au moins 10 %. Les autres, là, ça doit être par du chantage puis de la manipulation. Puis là, tout d'un coup, on a 100 % du gouvernement. Mais il y a peut-être 10 % à mes yeux, là. Faire face, oui. Pour sortir de la procrastination, faut-il sortir du plan astral? La procrastination, c'est par la colère, à mes yeux. C'est très efficace. Si vous savez que c'est de la procrastination, c'est supposé générer une colère. Cette colère-là est supposée se transmettre en volonté. C'est des processus habituels. Si on souffre de notre condition, on est supposé être en colère de ça. Puis ça, c'est supposé se mobiliser en volonté de changer sa condition. Puis le frein à ça, c'est la peur, la subjectivité, la peur. La peur de se battre un peu contre soi-même, parce que déjà être en souffrance, c'est pas le fun en plus de se battre contre. Ils parlaient pas, les militaires, c'est bizarre quand même, ce silence patriotique. Ils peuvent pas, ils osent pas. J'ai pourtant essayé et ils constatent les mêmes choses que nous. Oui, ben, la plupart sont dans un contexte, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la subjectivité de considérer, ben là, j'ai ma carrière, puis si les choses tournent mal, j'ai besoin de ma pension, hein, puis ça devient complexe aussi. La peur peut-être des répercussions pour carrément, pas juste eux. Mais si vous regardez, là, ça doit pas être drôle d'être militaire, par exemple, un militaire chinois, c'est toute sa famille qui mettra en danger. Mettons qu'il déciderait d'être dissident puis ressortissant, là. Quels exercices pourraient aider à régénérer le corps physique et le système nerveux? Par exemple, pour une personne qui a brûlé son système nerveux. Ça, je dirais qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Une fois que c'est fait, parce que c'est très difficile, ça va prendre du temps. Mais même là, ça va prendre beaucoup de repos. À mes yeux, de ne pas se casser la tête, surtout, puis d'arrêter de. Mais là, s'il y a des troubles, il y a l'angoisse, puis il y a des choses comme ça, peut-être même qu'il aurait pu avoir une aide au sens de. Ben, les cas ordinaires, là, comme les psychologues, il y en a qui sont bien bons. Ou bien, même des thérapeutes, il y en a qui sont très bien. C'est pas tout acheté. On dit qu'il faut passer de la connaissance au savoir, mais à mes yeux, il faut un niveau quand même important de connaissances pour aborder le supramental. Ça, j'avoue que je suis pas certain. Je suis pas certain. Je sais juste qu'il y a des choses qui se manifestent d'un coup. Donc, votre analyse de Legault et sa sous-traitance était prévue depuis longtemps. Ou autre chose qui est au-dessus. Ben oui, moi, mes yeux, c'est des exécutants. Les vrais gens dangereux, les vrais gens. C'est pas des sociopathes, là. C'est ce qu'on pourrait appeler des. C'est réellement quasiment une spiritualité qu'ils ont. On a affaire à des tickets plus haut, là, des ascètes qui sont missionnés. Puis ils vont se servir de la sociopathie puis de la psychopathie d'autres. C'est assez. Ceux qui partent de supramental ont un niveau de culture au-dessus de la moyenne. Ben. C'est que il y a ça, au niveau de la forme, c'est tellement vaste, puis c'est tellement, ça passe tellement du coq à l'âne que ça prend une culture générale. En tout cas, au niveau des formes que ça a pris au Québec, oui, comme Bernard avait une bonne culture générale, même des fois s'il fait des anglicismes, mais des fois il faisait exprès parce que je pense que Bernard avait beaucoup d'estime pour les prolétaires, puis les gens simples. Puis d'ailleurs, je vois ça de la même façon. Lui-même, il a abandonné une carrière d'universitaire pour être un chauffeur de taxi, entre autres. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est lié à une sensibilité. Vous savez, comme dans le passé, les gens qui avaient certains talents particuliers, c'était pas des aristocrates, là, c'était des petits bergers, puis des femmes de ménage. Donc, il y a quelque chose qui est lié à. Ça prend une certaine simplicité à certains niveaux, mais au niveau des formes que ça a pris au Québec. Les gens qui ont parlé de ça, ça prenait des formes tellement inattendues que oui, il y avait une certaine connaissance générale, une culture générale de base. Bernard, il a clairement, il y en a qui ont dit que Bernard dans le privé n'était pas spirituel 2 secondes, parce qu'ils vont identifier tout ce qui est lié à certains sujets comme la spiritualité. Mais Bernard a eu une librairie ésotérique, et c'est quelqu'un qui a énormément lu des choses que moi, je m'intéresse même pas, là, comme la cosmogonie d'Urantia. Puis c'est clair qu'il a lu aussi les théosophes. au niveau du vocabulaire qu'il reprenait, parce qu'il reprenait des formes. C'était pas la même vibration ce qu'il mettait dedans, parce que ce qu'il captait, mais le vocabulaire qu'il avait acquis, il faut quelqu'un qui a énormément lu, surtout sur des sujets, puis dans des branches que ce serait considéré comme, en tout cas, pour faire simple, OK, là, vous parlez à quelqu'un. Ben, puis c'est ça, je considère que Bernard, il avait clairement beaucoup lu. C'est évident. Il avait acquis un vocabulaire. Puis même, il y a des choses par rapport à ce milieu-là que je trouve. J'ai comme à un moment donné, et les fois où j'ai pu jaser avec Sabourin, à un moment donné, il me parlait que lui, quand il a commencé à avoir la mode de la scientologie, là, la Dianétique, puis ces affaires-là, Sabourin, lui, trouvait ça intéressant. Mais Bernard, lui, il considérait, du non, non, c'est de la magie noire, puis ça vibre pas, puis tout, puis je suis d'accord là-dessus avec Bernard. Mais ça, c'est ce que Sabourin m'a rapporté. Ben, j'ai pas jasé souvent avec le jeu, ça n'a pas été duré longtemps. Mais j'avais trouvé ça intéressant parce que moi aussi, à mes yeux, la scientologie, là, c'est des techniques psychologiques de manipulation puis de domination. Puis c'était carrément, là, moi, je suis persuadé que. Comment est-ce qu'il s'appelait, lui, là? En tout cas, j'ai oublié son nom. C'est pas Chase Russell, ça c'est Témoin de Jéhovah, mais lui, là, celui qui a fondé qui a écrit la Dianétique, puis tout, là, il a passé, lui, par des affaires comme la maçonnerie ou des cossins de même, ça paraît. Eh bien, de diminuer notre exposition à moi, il oui, faut parler de. J'ai l'habitude depuis un an, après de grandes souffrances, de percevoir les pensées, d'être témoin, de voir quand il y a un pattern qui est pour se réveiller, je répète. Oui, ben les enfants ont des talents comme ça. Puis c'est possible de recouvrir ça. Puis c'est lié à une sensibilité, une vibratoire, qui après se rattache à des mémoires, puis à des choses, des structures qui se répètent, parce que c'est mémoriel, hein, puis c'est mécanique, entre autres, là. C'est ce qu'on pourrait appeler des formes, puis des mises en vibration. Puis des patterns, là. L'énergie va être portée à s'écouler dans des structures mémorielles. Puis là, il y a des patterns comportementaux qui. Oui, là, ça va vite un peu. Tom Cruise, ben non, Tom Cruise, il n'a pas fondé la scientologie, là. Il s'est fait fonder par la science, c'est pas pareil. C'est pas lui qui l'a fait, il s'est fait faire par. Ah oui, Ron Hubbard, c'est ça. Lui, là, moi, mes yeux, là, on est dans un maître noir. Puis oui, Aleister Crowley, oh, c'est tout des. Mais lui, c'est au 19e siècle, là, Crowley. Mais oui, là, on est dans des affaires luciférienne. Il y a des techniques de domination, puis de mesmérisation, puis de magnétisation, tant qu'à moi. Au sens de doctrinal, formel. Quand ça a des structures hiérarchiques, là, puis que c'est. Oh, non, moi, tout de suite, j'ai une perte d'intérêt à étudier des choses si ça ne me sert pas dans le concret. Ben oui, c'est certain, puis ça, c'est déjà extra, c'est déjà excellent. Avec un tour de force, trop dur. Être les trois seuls que j'écoute. Qui ça, Bernard, Iso et vous? Iso, ah oui, la dame machine concret. Bon, l'énergie, l'homme est derrière toutes les entités maléfiques, parasitages. Lovecraft tenait quelque chose en imaginant des entités en dehors du monde pour qui l'homme est à peine un insecte. À mes yeux, ça fait partie on peut dire, du mensonge, ça, parce que l'homme, il est extrêmement puissant. L'être humain est extrêmement puissant. Puis il est capable de maîtriser des forces qui semblent sans des énormément plus grandes que lui. Donc, il y a quelque chose là. Parce que si on parle, par exemple, si vous prenez Lovecraft, là, les grands anciens, ça vient pas de lui, cette idée-là. Vous allez voir Crowley, là, les. En tout cas, mais l'être humain est beaucoup plus fort qu'on lui laisse croire, et même qu'il nourrit. Et il nourrit des choses qui le manipulent pour des choses plus faibles que lui, au niveau, en tout cas, créatif, le potentiel de l'humain. L'être humain, là, c'est le résultat d'un laboratoire qui dépasse même l'idée de spatialité puis de temps. Donc, Daniel Kemp était-il de la même vibration que Bernard? Ben, Bernard avait sa vibration, Daniel Kemp avait sa vibration parce que Avant de descendre, c'est là, c'est indifférencié, mais une fois que ça passe par quelqu'un, ça prend la vibration de. Comment qu'il dit ça, Moron, le monsieur Moreau, là, chaque chose reçue selon la forme du contenant, là, quelque chose. Chacun sa vibration, c'est de l'identité. Oui, mais c'est parce que au niveau mémoriel, puis au niveau expérimental, il y a Grèce que Bernard, c'est Bernard, puis Kemp, c'est Kemp. Comme ben moi, c'est moi. Même si je me compare pas à eux 2 secondes, là, parce que je n'aurais pas été capable de faire ce qu'ils ont fait. Moi, ça me tente pas. J'ai pas la vibration de commencer à aller faire des conférences, là, pas 2 secondes. Donc, merci à la technologie parce que j'ai pas, même pas envie de sortir de ma petite ville dans mon trou perdu. J'ai pas envie d'être quelqu'un. Pas 2 secondes. Puis eux, c'était quelqu'un dans le sens que ils ont un certain mérite. Il y a des tours de force qu'ils ont accomplis. Surtout, en tout cas. Non, Kemp était élève à Bernard. Ben, il était un séminariste de Bernard, mais après, il est parti de son bord, puis il a fait son affaire. C'est un peu comme Marc de la Salle aussi, il est parti de son bord, puis il a fait son affaire. En lisant les partages d'expérience de chacun, je m'aperçois que je ne suis même pas 1% de mon éveil. C'est très frustrant, surtout qu'on sait comment élever sa vibration. Ben, il reste que d'un autre côté, pas rêver. C'est certain que vous rêvez, mais c'est au niveau de l'âme, il n'y a pas la mémoire. Dans l'ego, c'est-à-dire, ça fait pas assez pour que l'âme transmette la mémoire à l'ego. Puis, c'est pas si grave. Kemp est très moral et culpabilisateur. Ben, ça, c'est parce que vous me connaissez pas, parce que je pense bien que je suis pire que lui. Quelque part, là, même, faut que je me surveille sur ça. Faut que je me surveille sur ça. Parce que des fois, comme par exemple, je vais en écouter d'autres, comme ça m'est arrivé d'écouter comme Pierre Blanchette, puis dire c'est un pharisien, puis il y a une poudre dans l'œil, puis tout. Puis pourtant, en ce moment, je me surprends de dire, ben là, je suis pas mieux, là. Même au contraire, je suis assez. Non, je suis pas mal dans le jugement, là, au niveau de ma personnalité, là. Même ça me prend pas grand-chose. Ça me prend pas grand-chose. Je suis quelqu'un qui a des. J'ai ce défaut-là. J'ai bien de la misère à aller au-delà de la forme de la vie de quelqu'un, par exemple. Comme qu'à cette heure, là, le monde qui ont des tatouages jusque sur les mains, là, j'ai bien de la misère avec ça. Puis je portais tout de suite associer ça à de l'astralisation, pas de la basse vibration. Alors que une personne change, sa peau va rester la même, mais lui peut évoluer puis changer de vibration. Puis pourtant, je m'arrête à des choses comme ça. Deuxième configuration, le sens de la rotation est-il important pour moi et l'ordre dans lequel je présente le sens rotatif de droite à gauche pour finir par un sens rotatif de gauche à droite? Non, pour moi, le sens dans lequel ça tourne n'est pas important parce qu'au niveau de la polarité psychomagnétique des corps, c'est pas pour rien qu'il y a des gauchers et des droitiers. Donc, ce qui tourne dans un sens pour un va avoir le même effet si ça tourne dans l'autre sens pour l'autre. Donc, non, j'accorde pas. C'est pour ça que je me sers des deux. Mon père était gaucher, ma nièce est gauchère. Puis pourtant, au niveau de la vibration, puis ils sont pas différents des autres, là. Et de ce qui est le côté magnétique des corps. Ceux qui ont regardé les travaux du colonel de Rochas, là, sur le magnétisme des corps. Il y en a chez qui c'est viré de bord, là, comme un aimant qui est pas. Mais c'est la même affaire. Mais, donc, ce qui est de gauche à droite puis de droite à gauche, ça change un pour l'autre. Une personne qui rêve. Non, pas nécessairement. Une personne qui rêve pas est pas consciente. Non, pas nécessairement. Qu'est-ce que je pense de Denis Jutras? J'arrive pas à replacer qui c'est qui. Ah, c'est le monsieur qui fait des dessins, là. C'est le monsieur qui fait pas mal des. Moi, j'ai commencé demain en faisant des petits dessins parce que c'est de l'écriture automatique, dans le fond, des fois. Mais oh, je pense que je leur. Ben, je n'ai pas envie de. Tu sais, j'ai pas envie de. Vaut mieux pas que. Ça a l'air d'un pomponnant. On va dire ça comme ça, mais je l'écoute pas vraiment. Mais ça, des deux mains. Oui, moi aussi, je suis ambidextre. Je vais être plus porté à me servir de ma main droite parce que je suis droitier à la base, mais je suis ambidextre. Je peux écrire des deux mains. J'ai connu des méchants pas bons qui avaient le même talent, faut que ça veut rien dire. Ah ben bon, bonjour. Plus tard, allez-vous faire des formations sur le supramental? Je me sens pas la compétence de faire ça. C'est comme pour la consultation. Je me sens pas la compétence de faire ça. J'aurais un petit syndrome de l'imposteur, peut-être. Puis aussi, probablement, j'ai pas la vibration de me mettre dans. En tout cas, j'ai pas la vibration de choses comme ça pour le moment. Denis est trop spirituel, c'est tout. Bon, ben, c'est votre. Ben. Bon, il n'y a pas juste ça là, qui m'accroche, mais je le trouve pas. Il y en a des plus. Mais non, quand même, il a l'air quand même. Il y a une différence entre. Moi, je pense qu'il est sincère dans son affaire, de ce que je me souviens. Là. Puis moi, c'est ça qui est important à mes yeux. C'est que ce soit sincère, puis que la personne, même des fois, il n'y a pas de problème. Là. Je vois pas. J'ai pas envie de commencer à dire ah, oh, ben, lui, c'est 8 sur 10, lui, c'est 5 sur 10, puis tout, parce qu'à un moment donné, moi, je vais me ramasser 2 sur 10, puis je le verrai même pas si je me mets à agir de même. Sais, pas justement agir comme. Qui? Bon, Denis, avec un. Oui, je le pense sincère. Je pense pas qu'il fasse ça. Puis je sens pas non plus que c'est une affaire égoïque de se donner non plus. La source c'est quoi pour toi? Ben la source c'est carrément l'intelligence non différenciée de l'univers, carrément même en dehors de ça, puis qui transcende toute chose. Fait que. Je trouve que vos explications, vos partages personnels sont des plus enrichissants pour comprendre ce qui est le supramental, votre méthode. Ouais, ben, pourtant, je parle pas juste de supramental, là. Je parle pas mal de toutes sortes d'affaires. Parce que c'est particulier, là, le supramental, cette espèce de dépersonnalisation. Puis pourtant, on parle, puis on a l'impression de radoter. Puis pourtant, si on enregistre, on réécoute, là, c'est clair, puis c'est cohérent. Puis c'est vraiment un phénomène. Bon, ben, doute. Pireté, mon fils et sa mère. Ah, j'ai de la misère à comprendre. Ah, bonsoir, Dan. Ah, Crystalline, je vous ai fait une vidéo pour vous. J'espère que vous n'étiez pas choqués. J'ai manqué la méthode, moi, j'ai pas vu de méthode. Ben oui, moi, non, je ne ferai pas vraiment de méthode. Pas vraiment. Il y a quelque chose qui se passe vibratoirement. Ben, tout le temps. Donc, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Est-ce normal que toute forme d'or nous semble astrale après l'initiation? Oui. Ben oui, parce que l'inspiration vient d'où? À moins d'être quelqu'un qui a une forme d'or scientifique liée à de la recherche, ou prenez, il y a une madame là, que j'appelle affectueusement Elisabeth de Kalinours, là, qui a parlé dernièrement de Séraphine de Senlis. À mes yeux, cette dame-là est un bon exemple de l'initiation astrale abominable de certains artistes très sensibles. C'est vraiment terrible, une vie comme ça. Séraphine de Senlis, là, très, très, très astrale, la dame. Pourtant, c'est quand même une grande artiste, là, aussi on considère grand d'être astralisée à ce point-là, mais pauvre madame Dava. Il m'arrive de ressentir des vibrations accompagnées de phénomènes sonores. J'entends des postes de radio, mais j'en ai pas. À d'autres fois, je me vois les objets autour de moi comme. Oui, ben, il y a quelque chose d'une mémoire qui peut se transmettre par la vibration. J'ai eu pendant un certain temps, ça a duré quelques mois, là, il y a un bout de temps, je ne pouvais pas regarder certaines choses sans les entendre. Des choses, puis en tout cas, serait pas très intéressant à élaborer, mais je pense que je comprends le phénomène. Se pixeliser et devenir flou. Ou de voir des lumières puiser, le tout en éveil, mais comme un léger état de transe. J'ai déjà entendu parler de phénomènes semblables. Ben, de voir des lumières puiser, oui, ben, on voit ça. Il y a certaines personnes qui ont parlé, normalement, notamment, qui voient Par exemple, un écran qui est comme un écran de télévision cathodique, là, comme s'il y avait de la neige, puis que derrière la perception de notre plan, il y a d'autres choses, comme s'il percevait l'énergie. Mais là, ça peut être une retransposition visuelle d'un phénomène qui est ressenti autrement, là, par rapport au système nerveux. Donc, mais un léger état de transe, oui, ben, ces phénomènes-là vont être plus palpables si vous êtes dans un état de réceptif. Si on peut dire. C'est donc quand on est en initiation, ben oui. Si vous êtes dans grosse, grosse merde dans votre vie, ou bien que vous trouvez que les choses n'ont plus de sens, puis tout d'un coup, ça prenait. Être en initiation, là, c'est vous marchez comme dans le vide, vous vous mettez le pied dans le vide dans votre vie, puis le plancher apparaît à mesure que vous avancez. Mais c'est une incertitude totale, puis une grande souffrance psychologique souvent. Donc, CMT pour comment, pardon. Ça, je vois pas. C'est le nom de quelqu'un, un pseudo de. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, monsieur Touga? Je commence à comprendre des affaires comme LOL. Peut-être que j'ai été un peu. Je ne suis pas un rat d'ordinateur, hein, je suis un rat de bibliothèque plus que d'autres choses. Puis ça a été toute une initiation. Surtout, là, moi, je ne voulais rien savoir en plus d'Internet jusqu'à 2011 à peu près. La souffrance de l'initiation que vous avez expliquée. Ben, si vous intégrez, dès que vous êtes mis en expérience, ou si vous vous mettez en expérience, puis que vous intégrez au sens où la personne que vous êtes une journée n'est plus la même qu'hier, puis qu'il n'y a pas de retour possible, et vous êtes en initiation. S'il y a du monde, là, vous leur parlez, puis vous voyez comment ils sont, plutôt, vous leur reparlez 25 ans plus tard, ou 15 ans, 10 ans plus tard, puis ils n'ont pas bougé d'un iota. Ça, c'est du monde qui n'ont pas d'initiation au sens de leur expérimental. De leur vécu. Puis c'est les mêmes affaires tout le temps. Puis. Merci beaucoup. Content que vous ayez la vibration. Ben, moi, je trouve que j'ai pas une vibration ce soir qui est plus forte que. Ça, c'est quand je suis en colère. C'est quand je suis en. Oui, justement, désolé, c'est le langage de jeune. Comment? Je me suis douté que vous ne sauriez pas le lire malgré votre grande culture. Ben là. Je ne considère pas que j'ai une culture si grande. J'ai ce qu'on appelle une culture générale. J'aurais été capable de jouer à Jeopardy là, dans le temps de Réal Giguère, d'être pas pire, là, mais c'est pas mal tout. J'ai déjà décelé des paroles à travers des fréquences sonores, oui. Ben, le vibratoire. On va prendre des formes, mais au fond, c'est parce que, justement, c'est l'être humain dans le sens de, en tant que structure, qui va donner forme à l'énergie, aux vibrations, aux longueurs d'onde, un peu comme l'œil perçoit des longueurs d'onde, puis le cerveau en fait des couleurs, des perceptions de couleurs. Je vois ça un peu comme ça. J'ai déjà décelé des paroles, oui. Culture ne vient pas de culte, oui. C'est pour ça que moi, je suis général. Je ne serai jamais ben bon pour. Je serai jamais là, un fanatique d'un culte parce que je suis trop général. Impossible. Mais oui, culture vient de culte. Ben oui. Puis même, comment je pourrais dire ça? C'est ce qui a engendré les civilisations. Si vous avez les premières religions comme les chamanistes, puis tous c'est des civilisations rattachées à la Terre. Comme il y a eu un retour un peu au paganisme dans les années 60 avec les hippies, le retour à la Terre, puis tout. Si vous prenez des religions, comme certaines religions du Moyen-Orient, comme le Mazdéisme, ces choses-là, ou même l'islam, je ne connaîtrais pas, c'est des religions lunaires. Puis il y a le christianisme qui serait une religion solaire, mais ça, c'est une affaire d'opinion, si on peut dire. Mais oui, ça vient tout de. Nous sommes tombés sur la Terre et nous allons en décoller à un moment donné. Sans plus. J'ai déjà de. Oui. Quand votre prochaine avec votre interlocuteur dont j'ai oublié le nom, c'est bien en rafale, mais je préfère quand vous avez le temps de développer. Oui, ben David, c'est selon son emploi du temps puis le mien. Il faut quand même que ça s'accorde. Puis là, ces temps-ci, moi, c'est en début de semaine que je serai disponible, mais que lui serait disponible plus tôt. Puis en même temps, lui, c'est un peu, en tout cas, ça fait que ça ne fit pas. On a de la misère à... Il y a Sergio aussi qui voulait qu'on fasse quelque chose ensemble, puis ça donne mal. Puis moi, bon, des choses, je parle plus souvent, je suis en quelque sorte proche aidant. Puis j'ai pas envie non plus de bouleverser le quotidien des autres pour ça. Donc, j'essaie de trouver des temps où ce que ça dérange pas, puis c'est difficile des fois. Est-ce que ça peut venir de mon double si ça peut être programmé par de l'astral? Mais ça dépend de quoi vous parlez. La mère de Catherine a 3 enfants. Et Marie a un mouton. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai fait des lives directs aussi. Ah oui, il faudrait que j'aille voir. Il y a quelqu'un qui publie des choses de supramental par rapport à Bernard, qui m'a écrit dernièrement. Puis je pense que le français n'est pas sa première langue. J'ai de la difficulté à le lire. Je ne me rappelle plus de son nom. Que serait votre monde idéal? C'est beau évoluer, mais des fois, on aurait envie de jardiner en paix, non? Oui. Ben oui. Ben mon monde idéal, c'est sûr, j'aurais été bloqué, puis j'aurais pas évolué, puis j'aurais juste été bien, là. Mais j'aurais aimé ça, venir au monde, peut-être vers la fin du 19e siècle, dans un endroit campagnard avec des gens simples. Puis pas avoir à me casser la tête, puis. Même peut-être des fois être un illettré, c'est le fun. Hop, là, ça va tellement vite que je perds des choses. Ah non, c'est correct. OK. Ben, si vous voulez, là, Team Aya Counseling, à un moment donné, je vais trouver une façon de me faire une boîte courriel que je peux, là. Je le dirai, je vais l'annoncer. Des paroles décalées dans la fréquence sonore. Ben oui. Quand vous vous adressez avec autorité à votre contact pour une info ou placez quelque chose dans sa vie, parlez au contact, au double, notre source. Moi, quand j'essaie d'être trop autoritaire, puis que je veux forcer à ce que ça me réponde, je reçois de la désinformation. Ou bien ça va tourner en rond. J'ai déjà réussi à forcer des réponses, mais j'ai plus de misère. Puis moi j'ai un double de marde, vraiment. Il y en a qui ont vraiment, ils aiment ça, là, puis tout, mais moi j'en ai un là, qui je l'aime pas. Je m'entends pas bien avec, je vais être franc, là. J'ai un double autoritaire, puis qui a un humour en tout cas, et qui a le don de me mettre en colère, puis que je me fais niaiser par lui. Pourquoi? Parce que probablement que je veux trop. Puis que je m'apprends pour plus important que ce qu'il faut. Puis que aussi ce que j'ai à faire, c'est pas nécessairement ce que je fais ou ce que je veux faire. Puis ça aboutit à une espèce de relation qu'on pourrait dire conflictuelle pour au sens psychologique comme avec quelqu'un. Mais je m'entends pas, je l'haïs. Vraiment, même des fois, ça venait me parler, j'ai non, crisse-moi la paix, que je veux rien savoir. Puis il y a une sorte de. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère avec le mien. C'est plus lui qui est autoritaire que moi. Là. Comment on fait pour prendre contact avec son double? C'est quoi un double? Ben là, il faut aller voir ce qui a été dit avant. Je parle. Bernard, il l'explique bien, ça. C'est quoi, dans le fond? C'est un. C'est une densification, entêtisation de ce qui est la réelle intelligence avec laquelle vous pouvez prendre contact à travers un intermédiaire. C'est un peu comme votre ange gardien, mais au niveau du supramental, c'est pas mal moins le fun. Moi, en tout cas, j'ai pas de. Moi, il me fait chier. Moi, à l'âge, j'évolue en chien avec eux. Bon. Si je te mets mon numéro, mais pour toi. Quoi qu'il y a noté, ben, si vous pouvez, mais là aussi, il va falloir le laisser d'une façon que je puisse. Mais c'est peut-être mieux d'attendre que j'ai une boîte de courriel. Parfois, les réponses arrivent par la bouche des autres. Oui. Oui, ça m'est arrivé même dans des conversations anodines avec des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Puis, ils me sortaient des choses. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient au fond.